بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد إن شاء الله تعالى on poursuit quant à la biographie du prophète alayhi salatu wa salam. Et la semaine dernière on s'était arrêté au moment où le prophète alayhi salatu wa salam a été ramené à sa mère Amina. Donc alors qu'il avait à peu près, comme le rapportent les historiens, comme on l'a rapporté la semaine dernière, à peu près 5 ans. Donc, et après qu'il s'est passé ce qu'on avait décrit la semaine dernière, yani concernant la fente, l'ouverture de sa poitrine, après cet événement-là très connu, yani le prophète a été rendu et ramené à sa mère Amina alors qu'il avait à peu près 5 ans. Amina, on avait rapporté qu'elle a été très confiante quand elle a récupéré son fils Mohammed ibn Abdullah alayhi salatu wassalam. Donc on sait que Amina a gardé auprès d'elle le prophète alayhi salatu wassalam à peu près, comme le rapportent les historiens, de 5 à 6 ans. Car on avait dit la semaine dernière qu'à l'âge de 6 ans, le prophète alayhi salatu wassalam s'était rendu avec sa mère Amina à la Mecque, à Médine plutôt. Et comme le mentionnent certains historiens, c'est au retour de Médine, alors qu'ils étaient plus proches de Médine que de Mecca, que la mère du prophète alayhi salatu wassalam, alors qu'on avait déjà vu précédemment, alors qu'il était né sans avoir connu son père, à l'âge de 6 ans, pendant le voyage, le prophète a vu sa mère tomber malade devant lui et mourir devant lui, alayhi salatu wassalam. Donc à ce moment-là, le prophète alayhi salatu wassalam a été mis entre les mains de son grand-père, Abdel Muttalib, qui s'est très bien occupé du prophète alayhi salam et qui a chéri et aimé énormément le prophète alayhi salatu wassalam. D'accord ? Alors que le prophète alayhi salatu wassalam avait 8 ans, comme on l'a mentionné, alors qu'il avait 8 ans, donc je rappelle, il est né, n'a pas connu son père, à 6 ans sa mère est décédée, à 6 ans il a été entre les mains de son grand-père Abdel Muttalib, et voilà qu'à 8 ans, Abdel Muttalib, son grand-père, décéda encore. Voilà qu'à 8 ans, son grand-père décéda encore, et celui-ci, c'est-à-dire Abdel Muttalib, avant de mourir, avait confié la responsabilité de la garde du prophète alayhi salatu wassalam à son oncle, c'est-à-dire l'oncle du prophète qui est Abu Talib. Donc, le prophète alayhi salatu wassalam a été confié à Abu Talib alors que le prophète avait 8 ans. Et Abu Talib s'est occupé du prophète alayhi salatu wassalam, yani toute sa jeunesse. Et ici, avant de continuer, il faut noter ici, il faut faire un petit arrêt concernant le père et la mère du prophète alayhi salatu wassalam. Donc, son père et sa mère. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui posent la question, et ces questions reviennent souvent. Quel est le devenir du père et de la mère du prophète alayhi salatu wassalam? Sont-ils au paradis? Sont-ils en enfer? Les réponses sont claires. Donc on fait pas partie de le Mu'tazila qui rentre ici dans le fait de vouloir détourner des choses qui sont très claires. Nous, on n'interprète pas des choses qui n'ont pas à être ou qui n'ont pas à être interprétées. Le prophète alayhi salatu wassalam a parlé de son père clairement dans le hadith rapporté par Muslim, et le prophète alayhi salatu wassalam a parlé de sa mère clairement dans un hadith rapporté par Muslim. Donc je cite rapidement le hadith de concernant sa mère rapporté par Muslim selon Abi Huraira radiyallahu anhu wa arda. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, donc Abi Huraira raconte que le prophète lui-même alayhi salatu wassalam a visité la tombe de sa mère et a pleuré et a fait pleurer tout le monde. Donc Abi Huraira, il dit que le prophète alayhi salam, quand il a visité la tombe de sa mère, il s'est mis à pleurer et l'ensemble des gens qui étaient auprès du prophète se sont mis à pleurer. Et le prophète alayhi salatu wassalam, à ce moment-là, il dit: j'ai demandé à mon Seigneur la permission d'invoquer le pardon en faveur de ma mère. J'ai demandé à Allah de m'accorder la permission d'invoquer en faveur, de faire ad-du'a al-istighfar, plutôt al-istighfar pour ma mère, mais il ne me l'a pas accordé. Alors je lui ai demandé, et le prophète pleurait, alors je lui ai demandé la permission de visiter sa tombe, et il me l'a accordé. Voilà, la réponse, elle est claire. Quant à la mère du prophète alayhi salatu wassalam, elle est morte sur un état autre que sur at-tawhid. Et c'est pour ça que les savants disent que parmi les causes, qu'on n'a pas droit de demander le pardon pour une personne qui est morte alors qu'elle associait quoi que ce soit ou qui que ce soit à Allah subhanahu wa ta'ala. D'où l'importance du tawhid. Quelqu'un qui meurt et qui a associé à Allah subhanahu wa ta'ala, on n'a pas le droit de demander le pardon pour cette personne. On n'a pas le droit de dire rahimahullah à une personne qui est morte alors que elle associe quoi que ce soit ou qui que ce soit à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le prophète, il a eu la permission de visiter sa mère, c'est-à-dire la tombe de sa mère, lakin Allah subhanahu wa ta'ala a interdit au prophète alayhi salam d'invoquer, ou plutôt de demander le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala pour elle. Pourquoi? Car elle est morte en état, ou plutôt en associant à Allah subhanahu wa ta'ala. Et concernant son père, au prophète alayhi salatu wa salam, de même, le hadith est rapporté par Muslim. Donc c'est deux hadiths clairs. On n'a pas à essayer de trouver d'explication, mais peut-être, mais je pense, mais je crois. Non, c'est clair. Les réponses sont claires, comme le mentionnent les savants, et parmi eux, Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, dans la biographie authentique du prophète, alayhi salatu wassalam. Rapporté par Muslim selon Anas, radiyallahu anhu arda, un homme est venu interroger le prophète, alayhi salatu wassalam. Et il lui a dit, Ya Rasulallah, où est mon père? Où est mon père? Le prophète, alayhi salatu wassalam, lui a dit, Huwa fi nar. Il a dit, il est en enfer. La personne est وَمَا يَنْتِقُوا عَنِي الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَى. Il ne parle pas poussé par sa passion, mais ce n'est qu'une révélation émanant de son Seigneur. Il n'a pas dit de lui-même il est en enfer, car ici il était يعني, bien placé pour dire qu'il était en enfer, car Allah subhanahu wa ta'ala lui a informé qu'il était en enfer. Le prophète, dans les choses qui concernent Al-Ghaib, ne parle qu'avec révélation. Donc il lui a dit وَفِ النَّار, il est en enfer, et la personne est partie. Donc le prophète a vu que cette personne a eu mal. Regardez la hikma, la sagesse du prophète alayhi salatu wassalam. Et on va venir à parler de la sagesse par la suite, inshallah ta'ala. Quand le prophète l'a vu partir comme ça, il a vu qu'il a eu mal. Qu'est-ce qu'il lui a dit le prophète alayhi salatu wassalam? Il a dit, ton père et mon père sont en enfer. Il a dit, abouka wa abi finnar. Ici, huma finnar. Les deux sont en enfer. Donc ici, pour apaiser un peu la personne. D'accord? Et pour rappeler que c'est la vérité, c'est le haq. Donc on sait que le prophète alayhi salatu wassalam est mort dans une religion autre que la religion du prophète alayhi salam. Et dans une religion autre que la religion de Ibrahim alayhi salam. D'accord? Car on sait très bien que les juifs qui ont suivi At-Tawrah et qui ont suivi Moussa alayhi salam et qui n'ont associé personne ni qui que ce soit à Allah subhanahu wa ta'ala, bi-idnillah, de façon générale, on peut dire qu'ils sont au paradis, incha'Allah ta'ala. Pareil pour les chrétiens qui ont suivi Isa alayhi salam. Amma les personnes qui n'ont pas suivi yani Isa, qui n'ont pas suivi Moussa alayhi salam et qui n'ont pas suivi la religion d'Ibrahim alayhi salam, bien sûr qu'ils sont en enfer. On parle de façon générale. Amma nous, on n'a pas droit de dire à une personne qui est morte dans un yani une religion autre que l'islam, cette personne est dans le feu, est en enfer. On dit il mérite l'enfer. Yastahiqu an-nar, il mérite l'enfer. Et ça, on doit le reconnaître. Ça, on est obligé de le reconnaître. Amma de dire que telle personne est en enfer, telle personne va être châtiée par tel châtiment. Non. En citant son nom. Et en parlant de façon, yani spécifique. Amma de façon générale, cette personne mérite l'enfer d'après les textes prophétiques et les versets coraniques. Wa hakada. Donc ça, c'est concernant le père et la mère du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc, on a dit que son grand-père, Abdel Muttalib, l'a pris. Et que celui-ci est décédé alors qu'il avait à peu près 8 ans. Abu Talib, donc, a pris le prophète alayhi salatu wassalam, alors que celui-ci avait 8 ans, c'est-à-dire le prophète alayhi salatu wassalam, et il a passé sa jeunesse auprès de Abu Talib. C'est pour ça qu'il a aimé, le prophète alayhi salatu wassalam, son oncle, Abu Talib. Il a eu de l'amour envers lui. Naam, ce n'est pas de l'amour en Allah, mais il a eu cet amour, cette affection naturelle. Naam, et on sait que nous, on doit montrer une certaine inimité envers les non-musulmans. C'est vrai, c'est une réalité. Mais certaines personnes partent à l'excès et pensent que le fait de montrer que tu n'es pas d'accord avec la religion d'une tierce personne ou avec les convictions religieuses d'une tierce personne te pousse obligatoirement à l'attaquer ou à le dénigrer ou à le combattre. Abadan, le prophète alayhi salatu wassalam, qui est la meilleure des créatures, ayyuhal ikhwatul kiram, bien sûr qu'il a toujours montré à son oncle Abu Talib qu'il n'était pas d'accord avec lui concernant ses convictions religieuses. Il l'a toujours montré. Et si le prophète ne l'a pas montré, qui d'entre nous va le montrer? وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Alors qu'on a dans le messager d'Allah un excellent exemple. Mais ceci ne l'a pas poussé à combattre son oncle. À ne pas avoir une certaine affection envers son oncle. À rester auprès de son oncle. وَهَكَدَا. Et ça c'est quoi? C'est la religion du juste milieu. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Et c'est ainsi on a fait de vous une religion de juste milieu. Voilà que le prophète alayhi salatu wassalam était orphelin. Et Allah subhanahu wa ta'ala révèle concernant le prophète alayhi salatu wa salam, alam yajidaka yatiman fa'awa. Allah subhanahu wa ta'ala il dit quoi concernant le prophète alayhi salatu wa salam? Et ne t'a-t-il pas trouvé orphelin? Alors il t'abrita. Ça c'est qui? C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a, avec traduction approchée bien sûr, abrité, recueilli le prophète alayhi salatu wa salam alors qu'il était orphelin. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, beaucoup d'exégèses ou exégètes ont parlé concernant yani le tafsir de cette sourate ou de ce verset coranique, lakin je dis simplement la parole d'Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, il dit il en fut ainsi, il en fut ainsi. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qui a accueilli le prophète alayhi salatu wa salam? C'est Allah. C'est Allah subhanahu wa ta'ala ou c'est Abu Talib, Abd al-Muttalib et autres? C'est qui? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Amma Abd al-Muttalib, amma Abu Talib, amma ceux qui ont accueilli les gens de Médine, qui ont accueilli Al-Ansar, ont accueilli le prophète alayhi salatu wa salam, tout cela ne sont que des causes. Et comme on dit, on le répète, les causes ne peuvent ni te nuire, ni te porter aucun bien sans la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est que des causes. C'est Allah qui préserve, c'est Allah qui protège, c'est Allah qui guide, c'est Allah qui égare, c'est Allah qui égare, wa hakada. Ibn Kathir il dit, je cite, il en fut ainsi. Son père mourut. Le père du prophète alayhi salam qui s'appelait Abdullah. Son père mourut. Alors qu'il était dans le ventre de sa mère. Puis, sa mère mourut. Amina, sa mère mourut. Et il dit Ibn Kathir, le laissant enfant de 6 ans. Puis son grand-père Abdel Muttalib qui était proche de lui, c'est-à-dire Abdul Muttalib, son grand-père, mourut, alors que le prophète Ali Sosam était âgé de 8 ans. Il fut ensuite recueilli, protégé par son oncle, Abu Talib, jusqu'à la mort de ce dernier. Et puis, le prophète Ali Sosam s'exila à Médine, où les Ansar le protégèrent et l'aidèrent. Voilà qu'est-ce qu'il dit concernant ce verset coranique. Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin? Alors il t'accueillit. C'est qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Pour nous rappeler encore que nous ne faisons que les causes et que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui préserve Ayyuhal Ahbab. Et concernant Abu Talib Ayyuhal Ahbab, qui a hébergé le prophète alayhi salatu wa sallam, qui a accueilli le prophète alayhi salatu wa sallam et qui a chéri le prophète alayhi salatu wa sallam, son oncle Abu Talib. Donc, il faut savoir que c'était une personne qui était de famille noble, mais qui était pauvre. C'était une personne qui était pauvre. Et avec cela, il s'est très bien occupé du prophète alayhi salatu wa sallam avec cette femme-là qui s'appelait Fatima bintu Asad radiyallahu anha wa ardaha, parce qu'elle faisait partie des femmes des compagnons. Fatima bintu Asad radiyallahu anha wa ardaha. Donc il a reçu un certain amour quand même au prophète alayhi salam. Il a été accueilli quand même. Il a été accueilli bien sûr pas par son père et sa mère, lakin il y a eu des personnes proches de lui. Il y avait son oncle, principalement son oncle qui a joué un grand rôle, et aussi cette femme qui était Fatima bintu Asad, donc la femme de son oncle. Et le prophète alayhi salatu wassalam, car on est toujours dans son enfance, hein, donc ou plutôt à fond de sa jeunesse, on a parlé de son enfance, là on rentre dans sa jeunesse, donc le prophète a passé les 8 ans, donc il commence à rentrer dans sa jeunesse. Donc ici le prophète alayhi salatu wassalam, alors qu'il vivait chez son oncle, il n'est pas resté les bras croisés sans rien faire. Il est rapporté, comme on va le voir de sources authentiques, qu'il a été berger. Il gardait des troupeaux de moutons. Ça c'est qui? Le prophète Mohammed ibn Abdillah alayhi salatu wassalam. La meilleure des créatures sur face de la terre a été berger. Rapporté par l'imam al-Bukhari. Selon Abi Huraira, radiyallahu anhu wa arda, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qal, ma ba'ath Allah nabiyan qabli illa wara' al-ghanam. قالوا وأنت يا رسول الله قال الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام وأنا كنت أراعى لأهل مكة على قراريط. Et le prophète عليه الصلاة والسلام qui dit dans Sahih al-Bukhari, il dit, il n'y a pas un prophète qui a été envoyé ou un envoyé qui a été envoyé sans qu'il ne soit berger. Il s'occupe sans qu'il ne s'occupe des troupeaux. Troupeaux de, suivez bien, troupeaux de moutons. Donc il y a quelque chose quand même. Comment ça? Chaque prophète s'est occupé de troupeaux de moutons. Pourquoi le prophète alayhi salam le cite? Il y a une hikma, il y a une sagesse derrière ça. C'est bien pour ça qu'il a été cité dans ce hadith rapporté par le Bukhari, et les savants en ont parlé comme on va le voir. Et le prophète alayhi salam, il a été interrogé. Et ils ont dit, même toi, ya Rasulallah, et toi aussi? Et le prophète alayhi salam, il a dit, na'am, moi aussi je l'ai gardé pour le compte des Mekwa contre eux, et en est ici, hein, traduction rapprochée, contre un peu d'argent. D'accord? Contre eux, un peu d'argent. Donc le prophète alayhi salatu wassalam a été berger aussi. Et parmi les sagesses, Ici, concernant le fait que les prophètes et envoyés ont été bergers et se sont occupés de troupeaux de, je précise bien, de moutons. Certains savants ont mentionné des sagesses. Parmi ces sagesses-là, ils disent que les moutons, comme on le sait au jour d'aujourd'hui, hein, les moutons sont plus dispersés que les autres troupeaux, les vaches ou les chameaux. Donc on sait que les moutons, c'est un troupeau qui est plus dur à gérer qu'un troupeau de vaches ou de chameaux. Car c'est des bêtes qui ont tendance à se disperser plus facilement et plus rapidement que les autres troupeaux, comme le mentionnent les savants. Deuxième des sagesses. Ici, ils ont des comportements très différents. Les savants mentionnent que les moutons ont des comportements très différents l'un de l'autre. Donc certains, ou plutôt chacun, a son type entre guillemets de caractère. Tout ça pour rappeler aussi que ces prophètes et envoyés ont été éduqués. Juste dans le fait de garder des troupeaux, ont reçu cette éducation, c'est-à-dire le fait de gérer et rassembler. De rassembler ici ces troupeaux qui sont plus difficiles à gérer que des troupeaux de vaches ou de chameaux ou d'autres bêtes. Et qui, eux, c'est-à-dire ce troupeau de moutons, chacun de ces moutons a, entre guillemets, on dit de façon générale, a des comportements différents. Pour éduquer ici les prophètes et les messagers aussi, et leur donner cette habitude ici de rassembler et de réunir. De rassembler et de réunir. Bien plus que cela aussi, ça a permis à ces prophètes et ces envoyés ici d'avoir ce contact permanent avec la nature. Ce contact permanent avec la nature. Et on sait très bien qu'une personne qui a contact permanent avec la nature va être une personne plus sage, plus calme, plus sereine. Il n'y a pas de secret. Quelqu'un qui vit, bon, je prends un exemple aussi, qui vit au jour d'aujourd'hui à Paris et qui vit dans notre ville au jour d'aujourd'hui n'aura pas peut-être le même comportement et le rythme de vie. Non, c'est vrai ou pas? Juste là, on parle et on vit dans la ville, eux, ils vivent dans la ville. Alors, que dire d'une personne qui vit dans la campagne? Et à leur époque, imaginez-vous, à leur époque, bien sûr, ça, c'est des personnes qui, de façon générale, sont des personnes plus, c'est-à-dire les bergers et autres, sont des personnes plus posées, plus calmes, plus sereines. Voilà, parmi les nombreuses sagesses que les savants mentionnent, quant au fait que les prophètes et messagers ont eu ici, ou plutôt ont gardé des troupeaux de moutons. Et aussi, ça nous rappelle aussi qu'il y a le fait que le prophète, alayhi salatu wassalam, dès son plus jeune âge, s'est mis à travailler. Depuis son plus jeune âge, il n'est pas resté se renfermer sur soi-même en se disant j'ai perdu ma mère, j'ai perdu mon père, j'ai perdu mon grand-père, je suis mal psychologiquement, je veux rien faire, je baisse les bras. Non. Est-ce que quand nous maintenant au jour d'aujourd'hui nous arrive un problème, on a tendance à baisser les bras? On n'arrive plus à lire le Coran. Ça touche la religion. C'est ça le problème quand ça touche la religion. Ah mais quand ça touche Dunia. Avant je vendais 5 voitures par mois, maintenant je veux en vendre qu'une parce que j'ai pas le moral. C'est ton problème. Ça encore, on va dire, bon, ça c'est entre toi et voilà, toi et tes poches. Lakin, quand tu vois que tes problèmes touchent la religion et que ça te fait baisser les bras, tu n'arrives plus à avancer, à apprendre la science, à lire le Coran, là c'est un problème grave. Là je dis ça, c'est un réel problème, ayol ahbab. Nos problèmes doivent pas ou ne doivent en aucun cas être la cause ici de la baisse de régularité quant à l'avancée dans notre religion. En aucun cas. Même si tu as des problèmes, il faut s'accrocher à ta religion, car ça c'est une des ruses de Shaitan qui va te faire baisser les bras. Mais regarde, t'as beaucoup de problèmes. Pourquoi tu vas t'accrocher à la science, à apprendre le Coran, alors regarde les problèmes que tu as à côté. Alors que c'est par cette cause-là, bi-idnillahi tabaraka wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala va te faciliter tes problèmes. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala va t'éloigner des problèmes et des soucis. Car toi tu mets devant, en avant quoi? Al-akhira ya Abdallah. Tu mets en avant quoi? At-taqwa Allah jalla wa ala. Tu mets en avant quoi? L'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le souci de l'akhira. Comment Allah subhanahu wa ta'ala, celui, ayyuhal ahbab, qui éloigne des problèmes et des soucis et des tristesses, et on en revient à quoi? At-tawhid. L'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala va te délaisser. Abadan. Jamais. Donc ça nous rappelle aussi que, bien qu'on ait des problèmes, bien qu'on ait des soucis, même dans nos familles, nos enfants, nos femmes, nos parents, nos mères, nos grands-pères, nos grands-parents, notre argent, nos poches, rien doit être la cause de quoi? Dans le fait qu'on ralentit dans l'avancée dans la religion. Rien. Rien, en aucun cas. Et ça, c'est une erreur grave qui se produit chez beaucoup d'entre nous. Je parle pour moi le premier. À la kulli hal, le prophète n'a pas été, entre guillemets, ou plutôt, en résumé, paresseux. Donc ici, alhamdoulilah, le prophète, il a été berger. Et on parle toujours ici, on est toujours dans la jeunesse du prophète alayhi salatu wassalam. Et ça c'est toujours avant qu'il y ait eu la révélation, car la révélation, ça sera le prochain cours inshallah ta'ala. Donc on est toujours dans la jeunesse du prophète alayhi salatu wassalam. On a passé l'enfance, on est dans sa jeunesse. Toujours avant qu'il reçoive la révélation. Pour voir un peu la jeunesse qu'il a passé le prophète alayhi salatu wassalam. Donc il a été préservé de beaucoup de choses. Et parmi ces choses-là, moi je vous relate ce que je suis sûr qui est d'authentique. Ah mais il y a des récits peut-être que vous avez l'habitude de lire. Et année, moi je n'ai rien, en tout cas je dis personnellement, je ne dis pas qu'ils sont authentiques, je n'ai rien trouvé d'authentique concernant ces récits ou qui prouvent de leur authenticité. Donc je ne les citerai pas, je cite que ce que j'ai trouvé. Il y a année comme récit qui est soit bon, soit authentique. À la kulli hal, avant la révélation, qu'est-ce qui s'est passé dans la jeunesse du prophète alayhi salatu wassalam? Il y a ce qui est rapporté par l'imam al-Tabarani, al-Bayhaqi, et rendu bon par Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala selon Zayd ibn Haritha radiyallahu anhu wa arda. Donc ici Zayd ibn Haritha raconte qu'il faisait at-tawaf, il faisait at-tawaf autour de l'Kaaba, car on sait et on avait dit précédemment que les Arabes, donc qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient le pèlerinage, lakin ils accompagnaient leur pèlerinage avec des paroles qui bien sûr était accompagné de shirk, d'associations et autres. Lakin ala kulli hal, il faut savoir que le prophète Alayhi salam faisait tawaf autour de Al-Kaaba. Et donc, Zayd raconte que, un jour, alors qu'il faisait tawaf avec le prophète Alayhi salatu wassalam, et il cite les deux noms dans ce hadith, hein, jugé bon par Sheikh al-Albani, rahimahullah ta'ala, qu'il y avait deux statues appelées Isaf et Na'ilah. Isaf et Na'ilah. Ces deux statues. Ala kulli hal, il y avait des statues. Comme on le sait de toute façon, ici, à cette époque-là. Donc il dit, alors que je tournais autour de la Kaaba avec le prophète alayhi salatu wassalam, Zayd dit, alors que je suis passé à côté d'une de ces deux statues, j'ai essuyé une statue. Donc il est passé en essuyant une de ces statues-là. Donc ça c'était des coutumes qu'avaient ici les associateurs. Donc à ce moment-là, le prophète alayhi salatu wassalam m'a interdit de faire cela. Et je l'ai refait une deuxième fois en me disant dans moi-même, donc en se disant, Zayd il dit dans le hadith, il dit, je me suis dit, je vais le refaire une fois pour voir qu'est-ce qui va se passer, quelle va être la réaction du prophète, qu'est-ce qui va se passer. Donc il l'a refait une deuxième fois alors que le prophète lui avait interdit. Donc il l'a refait une deuxième fois et ensuite le prophète alayhi salatu wassalam a répété d'une façon ferme à Zayd et il dit, ne te l'ai-je pas interdit. Donc ça prouve quoi? Que le prophète alayhi salatu wassalam qabla al-bi'tha, avant la révélation, il a été préservé de quoi? Ash-shirk. Il a été préservé de l'association Ash-shirk. Ensuite, Zayd, il dit quoi? Il dit, par celui qui a descendu sur lui le livre, Al-Kitab, le livre, il n'a jamais, c'est-à-dire le prophète alayhi salatu wassalam, salué une statue jusqu'à la révélation. Ça, c'est Zayd qui le dit. Donc, on voit que le premier prophète alayhi salam a été préservé dans le hadith ici jugé bon par de l'association Ash-shirk. Bien plus que cela. De quoi a-t-il été encore préservé le prophète alayhi salatu wassalam? Il a été préservé ici concernant la nourriture, la viande plutôt ici, qui n'avait pas été égorgée au nom, ou plutôt sacrifiée au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est rapporté dans un hadith rapporté par Ahmed, authentifié par Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala, où il est rapporté qu'on a présenté de la viande au prophète alayhi salatu wassalam avant la révélation. Et celui-ci, c'est-à-dire le prophète alayhi salatu wassalam, a refusé cette viande-là. Avant la révélation, il a refusé en disant, je ne mange pas ce dont le nom d'Allah n'est pas cité. Ça, c'est un hadith rapporté par Ahmed, jugé authentique par Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala. Donc ça nous rappelle encore quoi? Que le prophète alayhi salatu wassalam, et j'insiste sur ça, bien qu'il ait été orphelin de père, qu'il a vu sa mère mourir devant lui, qu'il a vu son grand-père disparaître alors qu'il avait 8 ans, qu'il a été entre les mains de son oncle Abu Talib. Imaginez-vous la jeunesse et l'enfance qu'il a passée pour nous rappeler que celui qui préserve de l'égarement, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est qui a éduqué le prophète alayhi salatu wassalam? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal. Et donc ici on voit que même sur le fait de manger avant la révélation la viande où le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas été cité, le prophète alayhi salatu wassalam a été préservé même de cela. Ça c'est qui le prophète alayhi salatu wassalam? Parmi les choses qui se sont passées, donc on est toujours dans sa jeunesse au prophète alayhi salatu wassalam, lors de sa jeunesse, il y a certains événements très connus. Parmi ces événements très connus, il y a l'histoire de Bahira. L'histoire de Bahira, le moine ou le prêtre ici qui est appelée Bahira. C'est une histoire jugée authentique par Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Donc rapporté par l'imam Al-Tirmidhi, authentifié par Cheikh Al-Albani selon Abi Moussa Al-Ash'ari radiyallahu anhu arda. Donc hein, cette histoire, lorsque le messager d'Allah alayhi salatu wa salam eut chez certains historiens à peu près 12 ans. Donc on a vu les 8 ans, il était chez Abu Talib. Donc on voit là qu'il a à peu près 12 ans. Na'am, il a à peu près 12 ans. Donc à ce moment-là, le prophète alayhi salatu wa salam partit avec son oncle pour un voyage de commerce vers Hachem. Vers Hachem, plus précisément en Syrie. Le voyage les mena à Basra en Syrie, une citadelle qui était à l'époque une citadelle arabe sous domination romaine. Il y avait dans cette citadelle un homme qui s'appelait, un moine ou prêtre, qui s'appelait Bahira. Bahira, na'am. Et dont on dit que le vrai nom était, je ne veux pas prendre ici cette parole-là parce qu'on ne rentre pas directement dans le vif du sujet concernant le hadith. Donc certains ont donné des noms, yani j'ai trouvé des noms différents et ici je ne vois pas d'intérêt de les citer. Ala kulli hal, c'est Bahira. À la descente des caravaniers, celui-ci alla vers eux ce qu'il n'avait jamais fait. Donc ce récit en lui-même, hein, il est authentique. Hein. Donc le fait que, je prends le récit du début, yani jusqu'à la fin. C'est-à-dire que quand il s'est rendu avec son oncle Abu Talib au Shem, plus précisément en Syrie, ils ont rencontré un moine qui s'appelait Bahira. Ce moine-là est sorti. Il est sorti, se faufilant entre eux, il saisit de la main le messager d'Allah, alayhi salam. Je passe certains récits qui sont accompagnés, hein, et certains historiens, car ici ça nous suffit de citer le hadith-là. Donc à ce moment-là, ce moine-là, ce prêtre-là, donc Bahira est sorti, se faufilant et allant, se dirigeant vers le prophète, alayhi salatu wasalam, et dit, voici le guide des mondes, voici le messager du Seigneur des mondes, celui qu'Allah envoya par clémence à la guerre des mondes. Donc ici Bahira s'est dirigé directement vers le prophète alayhi salam. Donc alors qu'il avait à peu près 12 ans, l'a pris et il a dit, il citait ces paroles-là. Pourquoi? Parce que le prophète alayhi salatu wasalam, la venue et les signes du prophète alayhi salatu wasalam, les caractéristiques du prophète alayhi salatu wasalam sont citées dans la Torah et dans l'Évangile. Donc il savait, il a reconnu certains critères ou traits caractéristiques qui représentaient ici la prophétie chez le prophète Mohammed alayhi salam, comme on va le voir à la suite. Donc Bahira s'est dirigé vers le prophète alayhi salatu wasalam et il a pris. Abu Talib et certaines personnes de Quraysh lui dirent, quand sais-tu? Il reprit, et ça c'est dans le hadith authentique, il dit, les pierres et les arbres, écoutez bien, les pierres et les arbres que vous avez dépassés se sont tous prosternés pour lui. Se sont tous prosternés pour lui et pour rien moins qu'un prophète. C'est-à-dire, ils ne se prosternent que pour un prophète. Donc Bahira a dit que les arbres et les pierres se sont prosternés pour le prophète alayhi salatu wassalam, alors qu'il avait 12 ans. Ici, le comment, on n'a pas à rentrer dans les détails. On n'a pas de renseignement dans le comment exactement. La croyance en soi reste obligatoire. Khlas, on sait que les arbres et les pierres se sont prosternés pour le prophète alayhi salam. Et comme dit le Bahira, il dit, ceci ne se passe que pour les prophètes. Et ensuite, je le reconnais, il dit, par le sceau de la prophétie qui, telle une pomme, est au-dessus du cartilage de son épaule, nous retrouvons ce prophète dans nos livres. Donc, il a reconnu aussi le sceau de la prophétie, ici, qui était sur l'épaule du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc, ça, c'est le propos ou les propos qui sont rapportés par l'imam At-Tirmidhi, rahimahullah ta'ala. Et donc, à ce moment-là, le moine, Bahira, leur a conseillé de ne pas le ramener en Syrie, d'accord? Par crainte que certaines personnes lui fassent du mal. Parce qu'il savait qu'il y avait des personnes, des gens du livre, d'accord, juifs et chrétiens, qui connaissaient certaines caractéristiques concernant la venue du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, car il avait été cité dans la Torah et dans l'Évangile. Par crainte qu'il lui arrive un mal ou que quelqu'un lui fasse du mal, il leur a conseillé de ne pas se diriger vers la Syrie. Chose faite, ils sont retournés ici après et ils ont retroussé entre guillemets chemin. Donc ça c'est parmi les histoires authentiques qui s'est passé pendant la jeunesse du prophète alayhi salatu wassalam. Les deuxièmes événements, ou plutôt le deuxième événement important qui s'est passé dans la jeunesse du prophète alayhi salatu wassalam, c'est cette alliance-là, ou ce pacte qui s'appelle l'alliance ou le pacte d'El Foudoul. D'accord? Ce pacte qui est appelé par, ou cette alliance ou ce pacte qui est appelé par l'alliance ou le pacte d'El Foudoul. Certains historiens, donc c'est simplement pour voir à peu près son âge, hein. Moi je confirme rien du tout de façon authentique, là qu'il y a beaucoup d'historiens, hein, rapportent qu'il avait à peu près 20 ans à ce moment-là. Ce qu'on est sûr, c'était, on reste dans, de façon approximative, dans ces âges-là. À la kulli hal, il rapporte qu'il avait à peu près 20 ans. Et à l'époque, différentes tribus se sont mis d'accord pour défendre. Donc ça, c'était à l'époque ici où le prophète avait à peu près 20 ans. avant la révélation. On est d'accord. Il n'y a toujours pas la révélation. Donc, ça c'est les Arabes à la Mecque. Ils se sont mis d'accord pour faire ce pacte ou cette alliance qui consiste à quoi? À défendre toute personne résidant à la Mecque qui est touchée par une oppression. Toute personne opprimée à la Mecque, ils se sont mis d'accord de le défendre. Et on sait que les Arabes, c'était des personnes très courageuses, très nobles, et la parole, c'était la parole. Naam, ils tenaient leur parole, ils tenaient leur engagement. Alhamdoulillah, ce qu'on trouve très rarement, avec le plus grand des regrets, au jour d'aujourd'hui, dans cette communauté, après qu'il y ait eu la révélation. Donc eux, les Arabes, les Quraysh, s'étaient mis d'accord de défendre toute personne qui pourrait être touchée ou qui aurait été touchée par une oppression. Donc, ici, l'imam al-Bayhaqi rapporte, et Cheikh al-Albani dit, le hadith est jugé bon. Donc, le prophète al-Sallam a dit dans ce hadith, j'ai pris part avec mes oncles. Et plusieurs tribus. Donc, plusieurs tribus ont participé à ce pacte, à cette alliance-là, appelée al-Fudul. C'est-à-dire qui consiste à défendre des personnes qui sont touchées par quelconque oppression. Il dit, j'ai pris part avec mes oncles et plusieurs tribus à une alliance. C'était chez Abdullah ibn Jud'an. D'accord? Donc, il dit, je n'échangerai pas la part que j'y ai prise contre un troupeau de chameaux rouges. Ça, c'est le prophète qui le dit. Pourtant, ça s'est passé quand? Avant la révélation. Et le prophète, avec cela, il dit quoi concernant ce pacte? Il dit, je n'échangerai pas la part que j'y ai prise contre un troupeau de chameaux rouges. Ça, un troupeau de chameaux rouges, vous savez que ça revient souvent pour parler de mérite dans les hadiths, simplement parce que c'était une catégorie de chameaux qui était très réputée, na'am, et entre guillemets de grande qualité, hein, à l'époque des Arabes. Donc le prophète Hassan, pour montrer l'importance ici de ce pacte-là, donc il donne cet exemple-là ou cette sorte de métaphore. L'origine, certains ont parlé de cette origine de ce pacte. Certains historiens ont raconté ce que je vous cite ici. Ils disent, certains historiens, vous allez voir dans beaucoup de livres de siyar, de biographie du prophète Al-Sam, cette origine ressort. Et qu'un homme de la tribu de Zabid vendit ses marchandises à Al-Asi ibn Wa'il, qui refusa de le payer. Donc celui-là, ibn Wa'il, refusa de le payer. Celui-ci, Wa'il, donc s'est plaint d'être touché par une oppression, d'avoir été opprimé, et s'est plaint que personne ne faisait rien. Et ça a été la cause, entre guillemets, du déclenchement, yani, de ce pacte-là. Donc après qu'ils se sont réunis, les Arabes, pour défendre yani cette personne-là qui l'autre personne avait refusé de le payer, ils se sont mis d'accord pour instaurer ce pacte-là. D'accord? C'est-à-dire le pacte d'Al-Fudul. Toute personne qui était opprimée, on le défend. On le défend. Et ici, on retrouve un hadith rapporté par l'imam al-Bayhaqi. Un hadith rapporté par l'imam al-Bayhaqi que tout le monde connaît. Bisanadin sahih, hein, où le prophète alayhi salam a dit bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. Ce hadith, il est connu. Le prophète alayhi salatu wasalam a dit quoi? J'ai été envoyé pour parfaire ou compléter. On est d'accord? D'accord? Li utammima, c'est-à-dire compléter les bonnes manières. Ça veut dire que il y avait des bonnes manières avant. Oui ou non? Parce qu'il dit compléter. Pour compléter les bonnes manières, on reconnaît, l'islam reconnaît, le prophète alayhi salatu wasalam reconnaît qu'il y a eu des attitudes qui étaient nobles, des attitudes qui étaient bonnes, qui étaient pratiquées par les Arabes avant la révélation. Et voilà pourquoi le prophète a dit, je n'étais envoyé que pour compléter et parfaire les bonnes manières. Car ça, c'était des bonnes manières. Car le prophète alayhi salatu wasalam a dit dans le hadith authentique, comme quoi il a montré sa fierté quant au fait qu'il a participé à ce pacte. Car c'était, quoi comme principe? Le fait de défendre des personnes opprimées. Et rapporté par l'imam Ahmed, le prophète alayhi salam a dit, et maintenant en islam, si on me demande d'y prendre part, c'est-à-dire, bien que l'islam soit arrivé, si on me demande d'y prendre part, je me porterai volontaire. Comme les savants ont dit, le prophète alayhi salam montre que même si tu dois prendre part, écoutez bien, avec, ou plutôt dans un pacte, avec des non-musulmans, pour une cause qui est valable en islam, qui n'est pas contraire à la religion, mais bien au contraire, qui va en parfaite harmonie avec l'islam, tu participes, il n'y a aucun mal. C'est-à-dire s'il y a un pacte qui se forme avec les non-musulmans, pour défendre chaque personne qui est touchée par une oppression, qui a été opprimé. Et que on a la même définition, bien sûr, hein, de l'oppression chez les musulmans et les non-musulmans. Tu y prends part, il n'y a aucun mal. Ce n'est pas interdit de participer à yani, des pactes ou des alliances avec les non-musulmans dans tout ce qui n'est pas contraire, bien sûr, à l'islam, et bien au contraire, qui l'islam demande ces choses-là. Il n'y a aucun mal. Car nous, ayyuhal ahbab, on suit la vérité. On ne suit pas les gens. On suit la vérité, ayyuhal ikhwatul kiram. Et c'est par la vérité qu'on connaît les gens. C'est pas al-haq, la vérité qu'on connaît les gens. Et la preuve que soutenir même les non-musulmans opprimés, c'est une bonne chose. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim aussi, pour montrer l'équité et la justice des musulmans, et tout le monde connaît ce verset coranique, je pense, et on se doit de méditer ce verset coranique, et ça c'est un message aux non-musulmans qui pensent ou qui prétendent que l'islam est venu avec l'injustice, avec l'oppression, l'envie de répandre le sang, de répondre au mal par le mal. Abadan. Allah Azza wa Jalla dit clairement dans le Coran al-Karim, dans sourate al-Ma'ida verset 8, dans sourate al-Ma'ida verset 8, Ya ayyuha alladhina amanu, kunu qawwamina lillahi shuhada'a bil qist. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا أمر من الله اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله. Ça c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran al-Karim, ô les croyants, soyez stricts dans vos devoirs, soyez stricts, c'est-à-dire dans vos devoirs envers Allah. Tu t'engages, tu assumes ton engagement envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et soyez des équitables, des gens équitables. C'est qui le dit? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Que la haine que vous avez pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Il ne faut pas que cette haine prenne le dessus sur al-haq. Ça c'est qui le dit? C'est clair, c'est wadih, c'est bayin. Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا. Allah il rappelle, اِعْدِلُوا. C'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, soyez équitable. Pratiquez la justice. Cela est plus proche de la piété. Huwa aqrabu littaqwa. Et craignez Allah wa taqullah, car Allah est certes parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Allah te rappelle que si tu fais passer tes passions, tu fais devancer la haine sur la vérité, sur le haq, sur l'équité, Allah te rappelle qu'il est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Donc nous, on reste des gens qui pratiquent l'équité, ayyuhal ahbab. Ça c'est l'islam. Et c'est ce que nous a enjoint Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que le prophète alayhi salatu wassalam. Donc ça c'est un message donc à ceux qui prétendent ou qui disent que nous l'islam, on n'est pas une religion d'équité et qu'on répond yani, par la haine et qu'on ne se contrôle pas. Abadan. Nous on régit notre vie selon al-kitab wa sunnah. Comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans un hadith rapporté par Abu Dawud et d'autres avec une chaîne de transmission authentique, je vous ai laissé à fond deux choses. Si vous les suivez ou si vous vous y accrochez, vous ne vous égarez jamais. Kitabullah, le prophète al-Sami a dit quoi? Le livre d'Allah. Et la sunna du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Al-kitab wa sunna. Nous, on régit notre vie. On régit notre mode de vie selon le Coran et la sunna. Pas selon je pense, je crois et je vois. Non. Al-kitab wa sunna. Et c'est simple. Quand tu fais comme Allah subhanahu wa ta'ala veut, ici, alhamdulillah, il ne peut arriver que du bien, ya Abdullah. Amma si tu fais contraire ou tu agis contrairement à ce que Allah subhanahu wa ta'ala le prophète veut, fabima kasabat aydikum, c'est ce que vos mains ont causé. Donc tu dois t'en remettre qu'à toi-même. Qu'est-ce qui s'est passé encore pendant la jeunesse du prophète alayhi salam? Son mariage avec Khadija bint Khuwaylid radiyallahu anha wa arda. Donc ici, parmi les événements très importants concernant la jeunesse, donc shabab, sa jeunesse du prophète alayhi salatu wassalam. Son mariage avec Khadija radiyallahu anha wa arda, qui a été sa première épouse. Donc, il avait environ, comme le rapportent les historiens, 25 ans. Il avait environ 25 ans. Et voilà qu'on proposa au prophète alayhi salatu wassalam, à 25 ans, un voyage, ou plutôt de participer aux activités commerciales de Khadija. Tout le monde le sait ça, hein. C'est clair que Khadija était une grande commerçante, était une femme, et une femme très riche. Elle avait, comme le rapportent les historiens, environ 40 ans. Donc ici Khadija c'était une femme très très mature, très mûre, très riche. Regardez, la maturité, la richesse, et c'était une femme très mûre. Et Khadija radiyallahu anha wa ardaha donc a proposé, après qu'elle ait entendu yani les vertus et les caractères, les morales qu'avait le prophète alayhi salatu wassalam, donc elle a proposé ici de au prophète de participer à des activités commerciales. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, donc c'est ce qu'on appelle aussi en islam al-mudaraba. Donc al-mudaraba, c'est ce qui est rentre dans kitab al-buyu' en islam. C'est quoi al-mudaraba? C'est le fait de donner une somme d'argent, par exemple, à une personne, d'accord? Donc c'est toi, tu lui donnes cette somme d'argent et tu le laisses investir, soit tu lui mets des conditions en disant, moi je veux que tu investisses que dans ce type de commerce, tu prends ton bénéfice et le reste tu me le donnes. Donc ça c'est ce qui se pratiquait avant la venue de l'islam. Et c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui, ce qui est autorisé ici en islam. Donc al-mudaraba c'est ce qui se produit, c'est ce qui c'était à point de produit avec le prophète alayhi salatu wassalam. Donc ici, ils avaient Khadija Afwan, elle leur donnait des responsabilités de l'argent, donc elle leur donnait le choix ici de vendre et d'acheter, et en prenant un gain comme le mentionnent les savants, et ici en lui donnant ce qu'elle avait conclu avec eux. Donc ici, alors qu'ils sont partis vers le Shem, certains historiens disent qu'ils s'étaient rendus vers le Shem, le prophète alayhi salatu wassalam, à la kulli hal, ce qui est sûr, c'est qu'il avait participé à ce voyage commercial avec un des servants de Khadija qui s'appelait Maysara. Donc ici, ça s'est très bien passé lors de ce voyage commercial. Et à son retour, Khadija a eu connaissance des nobles traits de caractère du prophète alayhi salatu wassalam. C'était une personne juste, correcte, sage, il donnait de bonnes décisions, etc. Il a été glorifié ici par Maysara. Et on le sait tous que si tu veux connaître une personne, comme l'a dit Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu arda, il faut voyager avec lui. Parmi les causes, tout le monde connaît ça, mashallah. Voyager ou alors, comment dire le contraire? L'argent. Avec l'argent qu'on connaît les gens, ça c'est sûr. L'argent et le voyage, c'est les causes principales. Je dis bien, ce n'est pas que les causes, mais les causes principales par lesquelles, ou plutôt qui nous servent d'indice pour connaître un peu le comportement réel de la personne. D'accord? Comme le prophète alayhi sallam, il dit, dans un hadith authentique, que le voyage, c'est une partie du châtiment, des tourments. D'accord? Donc, que celui qui a accompli ce qu'il avait à faire, qu'il rentre chez lui. C'est un hadith authentique. Donc, ici, on voit que dans le voyage, tu es fatigué, tu as hâte de rentrer chez toi, tu n'es pas à l'aise, tu n'es pas confortable. Donc, pendant le voyage, tu vois vraiment le comportement des personnes avec qui tu voyages. Et, en plus de ça, dans le commerce, dans l'argent. Ce qui touche, les cœurs de la plupart des gens. Donc là, tu vois vraiment la personne comment elle est. Est-ce qu'il parle avec son nefs? Ou est-ce qu'il parle avec Al-Haq? Est-ce qu'il suit ses passions ou il suit la vérité? À la kouliha, le prophète a reçu l'éloge, donc, de ce personnage, qui était Maysara. Donc, Khadija a été attirée par le prophète alayhi salatu wassalam. Elle n'a pas suivi son nefs, son âme, ou plutôt ses passions, ou ses plaisirs. Ici, quant à cette attirance. Mais qu'est-ce qui l'a attiré Khadija? Alors que c'était un berger. Alors que c'est une personne pauvre. Alors que certains historiens rappellent ou rapportent, et ceci est tout à fait naturel, qu'il y a beaucoup de personnes riches qui voulaient ici Khadija, qui voulaient se marier avec Khadija radiyallahu anha wa ardaha. Na'am, mais elle a refusé. Alors qu'elle avait déjà 40 ans, elle a refusé. Donc ici, Khadija radiyallahu anha wa ardaha a été attirée par le prophète alayhi salatu wassalam, dû à son comportement noble, sa modestie, ses traits de caractère. Donc ici, il est rapporté qu'elle a envoyé une personne qui s'appelait, cette femme-là qui s'appelait Nafisa, pour faire des avances au prophète alayhi salatu wassalam. Ouais, d'aqawlu rajih, des savants, il y a une divergence quant au fait, est-ce que la proposition est venue de Khadija ou pas. Donc ici, la majorité des savants, du moins, ils disent que c'est Nafisa qui est venue faire cette proposition indirecte au prophète alayhi salam, en disant, que dirais-tu si une femme, ici comme Khadija, te demanderait la main, etc., ou voudrait se marier avec toi. Le prophète alayhi salam, il a dit, comment elle voudrait de moi? Et ici, elle lui a affirmé qu'elle voulait. Donc à ce moment-là, le prophète alayhi salatu wassalam s'est rendu avec ses oncles pour demander la main de Khadija radiyallahu anha wa ardaha. Avec parmi ses oncles-là, il y avait Abu Talib, Hamza et d'autres. Donc ils se sont rendus chez Khadija, et le prophète alayhi salatu wassalam s'est marié avec Khadija bint Khuwaylid, qui n'est pas n'importe quelle femme. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il crée et il choisit. Il crée et il choisit. Et tu n'as que ce que tu mérites. Tu n'as que ce que tu mérites. Est-ce que le prophète alayhi salam ne méritait pas une femme comme Khadija radiyallahu anha wa arda, rapporté par l'imam muslim, selon Abu Zur'a, قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال أتى جبريل نبي أتى جبريل عفوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه خديجة. Vous connaissez le hadith rapporté par Muslim. هذه خديجة قد أتتك معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب. فإذا هي أتتك فقرأ عليها السلام. اسمع فقرأ عليها السلام من ربها عز وجل ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. C'est pas n'importe quelle femme. Regardez ce que le prophète a dit dans Sahih Muslim. Il dit, Abu Zur'a raconte, j'ai entendu Abi Hurayra radiallahu anhu arda raconter, un jour, Jibril est descendu chez le prophète alayhi salatu wasalam, il lui dit, oh messager d'Allah, Jibril dit au prophète, Jibril, ce noble ange, dit à ce noble personnage, Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wasalam, oh messager d'Allah, voici Khadija qui va entrer chez toi en apportant un vase rempli de condiments ou de nourriture ou de boissons. Alors, quand elle arrive chez toi, passe-lui le salam de la part de son Seigneur directement. Passe-lui le salam de la part de son Seigneur directement, puissant et grand, ainsi que de ma part, c'est-à-dire de Jibril alayhi salam, pour une femme. Ceux qui disent, nous, on donne pas de valeur à la femme. Voilà ce que le prophète alayhi salam a dit sur Khadija radiyallahu anhu ardaha. Et il dit, et de ma part, puis annonce-lui, à qui Khadija, annonce-lui la bonne nouvelle en lui promettant d'avoir dans le paradis une maison construite en pierre précieuse, qasab, où il n'y aura ni bruit ni fatigue. Certains savants ont dit, pourquoi le prophète a cité ni bruit ni fatigue, car elle n'a jamais fait connaître la fatigue et les tourments et le stress et ici les problèmes au prophète alayhi salatu wassalam. Ni bruit ni fatigue. Comme elle a fait goûter au repos et elle a soutenu le prophète alayhi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala a fait et a décidé que elle est cette femme, Khadija radiyallahu anhu ardaha, au paradis, une maison construite en pierre précieuse où il n'y aura ni bruit ni fatigue. Rapporté par l'imam Muslim aussi. Selon Ali radiyallahu anhu qal, سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول خير نسائها مريم بنت عمران. خير نسائها مريم بنت عمران وخير نسائها خديجة بنت خويلد. Le prophète عليه الصلاة والسلام a dit aussi dans Sahih Muslim, selon Ali, j'ai entendu le messager d'Allah alayhi salatu wasalam dire, la meilleure des femmes, c'est Maryam bint Imran. Maryam bint Imran, mère de Isa alayhi salam. Et il dit, et la meilleure de ces femmes, c'est aussi Khadija bint Khuwaylid. C'est aussi Khadija. C'est les meilleures des femmes, comme le prophète l'a mentionné. Certains savants ont dit que le prophète alayhi salatu wasalam a répété, la meilleure des femmes. Il a dit, pour Maryam, c'est la meilleure des femmes, pour Khadija. Pourquoi? Certains savants ont dit que la meilleure des femmes à l'époque de Maryam, c'était Maryam. Et la meilleure des femmes à l'époque de Khadija, c'était Khadija, tout simplement, bint Khuwaylid. Ce qu'on sait, c'est qu'elle fait partie des meilleures des femmes, et ceci à l'unanimité, bien sûr, des savants. Et on sait aussi, l'Aïcha, c'est à quelle heure? 24, barakallahu fik. Et on sait ici aussi que, il y a certains savants qui rappellent une morale ici. C'est qu'il faut savoir que les femmes des prophètes et les femmes des messagers ne sont pas comme les femmes des savants. Et les femmes des savants ne sont pas comme les femmes des prédicateurs. Et les femmes des prédicateurs ne sont pas comme les femmes des simples imams dans les mosquées. Bien que ceux-ci peuvent être prédicateurs et imams. Mais pour ici vous donner une image assez claire. Et ainsi de suite. Pourquoi je dis ça? Car il faut savoir, ayyuhal ahbab, qu'un prédicateur ou bien un savant, d'accord, donc je parle des prophètes, ensuite ici on sait que le prophète Aïssa m'a dit ici al-ulama warathatul anbiya, ce sont les héritiers des, bien sûr, des prophètes, donc je baisse de degré à chaque fois. Un simple prédicateur, un simple imam, yani leur épouse ne doit pas avoir le même comportement que les autres épouses. Pourquoi ça? Car on sait que le prédicateur ou bien le savant ou bien le prophète, car on a bien dit la parole du prophète al-Islam, al-ulama warathatul anbiya, sont les héritiers des prophètes. Ici, ils ne vivent pas que pour eux-mêmes. Ils vivent pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais pour l'ensemble de la communauté. Et ce sont eux qui passent le plus de temps à sacrifier leur temps pour la communauté, à transmettre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce sont eux qui ont le plus grand souci pour la communauté. Donc ceci amène l'épouse du prédicateur ou du savant à sacrifier beaucoup de choses. Vous croyez que quelqu'un qui a le souci de toute une communauté et quelqu'un qui son rôle principal c'est de transmettre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de sortir, ou être plutôt afouane, la cause de la sortie des gens des ténèbres à la lumière, est-ce que vous pensez que celui-là aura le même temps à accorder que la personne qui n'a pas cette responsabilité? Abadan. Celui qui est baigné dans la science, ayyuhal ahbab, quand il mange, il lit, il a un livre à côté de lui. Ou alors il est en train d'écouter un cours. Quand il dort, son souci principal, c'est la communauté. Quand il se réveille, son souci principal, fawarab bil ka'ba, c'est la communauté. Avant de manger, son souci principal, c'est la communauté. Après manger, hakada. L'après-midi, comme ça. Le matin, comme ça. Amma, celui qui a pas ce souci principal pour la communauté, est-ce que vous pensez qu'il va réagir de la même façon? Avant manger, son souci principal, ça va être quoi? J'espère que ça va être bon. Quand il a mangé, j'ai hâte de voir le dessert. Faut dire ce qui est. Ou bien tu vas avoir des problèmes concernant ad-dunya. Lakin, avoir le souci de gagner de l'argent. Ou le souci parce que ton enfant s'est égaré. Ou avoir le souci parce que ta femme, elle craint pas vraiment Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que ce degré de souci est le même que le souci qu'a le savant? Car lui, son souci, ce n'est pas une personne, ou deux, ou cinq, ou dix, mais c'est l'ensemble de la communauté. C'est l'ensemble des enfants, ayyuhal ahbab. C'est l'ensemble des femmes, c'est l'ensemble des parents, c'est l'ensemble des mères. C'est ça le travail de quoi? Ad-du'at, wal-ulama, wal-a'imma. C'est ça leur travail principal. Et c'est pour ça qu'il faut savoir que les femmes ont plus de mérite, bi-idhnillahi tabaraka wa ta'ala, ceux et celles qui soutiennent leur mari quant à la prédication. Et qui sacrifient aussi certaines choses, car taba'an c'est obligé. Car le temps ne sera pas accordé de la même façon qu'une personne qui, son travail principal, c'est la prédication. Ça, c'est clair et net. Donc ça aussi, ils ont leur part ici de récompense. Et on voit la plus grande des références et l'imam, ou plutôt la référence quant au prédicateur, c'est qui? Le prophète alayhi salatu wassalam. Et ça suit à côté. La femme du prophète alayhi salatu wassalam, c'est qui? Les meilleures des femmes qu'il y a eu sur cette planète, ayyuhal ikhwatul kiram. Parmi les meilleures des femmes, Khadija, qui est encore? Aisha, qui est encore? Qui est encore? On connaît que deux noms. Allah al-musta'an. Ala kulli hal. Ce qu'on sait, c'est que toutes les épouses du prophète alayhi salatu wassalam sont la mère ou les mères des croyants. Sont les mères des croyants. Cela suffit pour montrer ici l'honorabilité, le mérite qu'ils ont auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on sait que le prophète a eu avec Khadija radiallahu anha wa ardaha tous ses enfants. Il a eu tous ses enfants avec Khadija sauf Ibrahim, sauf son fils Ibrahim. Donc il a eu Qasim, d'où son surnom qui était, ou sa kunya qui était, Abu al-Qasim. D'accord, il a eu le Qasim. Donc il a eu aussi Zainab, il a eu Ruqayya, donc il a eu ensuite Zainab, ensuite Ruqayya, Kulthum, Fatima et Abdullah. Et tous ces garçons, on sait qu'ils sont nés, ou plutôt Afwan, qui sont décédés en bas âge. Ils sont tous décédés en bas âge. Ça, je parle des garçons. Amma les filles, yani, ils ont vécu jusqu'après la révélation. D'accord? Mais ils sont toutes mortes ou décédées. Ils ont toutes décédé, ou ils sont toutes décédées avant, ici, la mort du prophète alayhi salatu wassalam. Illa Fatima radiyallahu anha wa ardaha. Sauf, bien sûr, Fatima qui est décédée combien de temps? À peu près 6 mois. Masha'Allah, 6 mois après, ici, la mort du prophète alayhi salatu wassalam. Et voilà que la femme, on dit qu'elle n'aura pas le même train de vie, le même rythme de vie. Et les épreuves seront en conséquence. On parle de la meilleure des créatures qui était mariée avec Khadija radiallahu anha wa ardaha, qui fait partie des meilleures des femmes. Automatiquement, comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans un hadith authentique, vous serez éprouvés selon votre degré de iman. Hadith en sahih. Selon ton degré d'iman, tu seras éprouvé. Et voilà que Khadija se marie, et vous croyez que c'est facile de recevoir ici toutes les persécutions qu'a reçues le prophète alayhi salatu wassalam, parce que même si le prophète les a reçues directement, indirectement, sa femme en subit les conséquences. Bien plus que cela. On a dit que tous les garçons du prophète alayhi salatu wassalam qu'il a eu avec Khadija sont décédés. Est-ce que vous croyez que c'est pas une dure épreuve que la femme voit tous ses enfants décédés l'un après l'autre? Imaginez-vous l'épreuve. Pourquoi? Car on sera éprouvé selon le degré de iman. Et plus tu as des mérites auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et plus accroche-toi et attends-toi aux épreuves. Et voilà que ça, ayyuha al-ahbab, ça nous rappelle encore une fois que le prophète alayhi salatu wassalam a vécu son enfance, sa jeunesse, ici, accompagné de beaucoup d'épreuves. Beaucoup d'épreuves, de tristesse et de soucis. Et comme le mentionnent certains savants pour terminer ici, on sait très bien que, de façon générale, les gens qui sont ou qui font partie ou qui ont fait partie parmi qui ont fait partie des tyrans ou des oppresseurs, de façon générale, ce sont des gens qui quand on regarde leur biographie, hein, ici, ce sont des gens qui ont grandi dans l'aisance, dans la facilité, qui ont toujours été préservés et accompagnés, chouchoutés. Ils n'ont connu quasiment aucune épreuve. Ils n'ont connu que richesse. Ceci a été la cause ou parmi les causes principales de quoi? Leur oppression, leur arrogance. Tandis qu'une personne, comme le prophète, alayhi salatu wassalam, qui a grandi alors qu'il a connu tristesse, il a connu que vie modeste, il a travaillé de ses propres mains, il a été berger des troupeaux, il a vu son père mourir, ou plutôt il n'a pas connu Afwan son père, il a vu sa mère mourir devant lui, il a vu Abdel Muttalib son grand-père mourir, il a été donné à Abu Talib, il a reçu toutes ces épreuves ont été la cause que quoi? Que le prophète alayhi salatu wassalam a eu le cœur le plus tendre. A eu le cœur le plus tendre. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran al-Karim, wa law kunta faddan ghaliz al-qalb lam faddu min hawlik. Et si tu avais été rude en ayant le cœur dur, il se serait éloigné de toi. Avec une traduction approchée, éloigné de toi. Donc on voit ici la tendresse et qu'il y a eu un grand bien quant à toutes ces épreuves dans l'enfance du prophète alayhi salatu wassalam. Wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Vous pouvez détester une chose, vous croyez que c'est un mal alors que c'est un bien. Vous pouvez aimer une chose, vous croyez que c'est un bien alors que c'est un mal. Allah il sait, alors que vous ne savez pas. Et je termine ici et je continuerai la semaine prochaine, on passera à la révélation. Mais avant de parler de la révélation, je n'ai pas eu le temps de citer le troisième grand événement, plutôt le quatrième grand événement qui s'est passé dans la jeunesse du prophète alayhi salatu wassalam. Je le citerai rapidement, inshallah ta'ala, la semaine prochaine. C'est la rénovation de la Kaaba. Et on citera ici les hadiths authentiques concernant ici la rénovation de la Kaaba. Et on citera deux ou trois points très importants avant d'entamer ici la révélation. Wallahu ta'ala a'lamu ahkam. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.